Agro J'écoute, ça commence maintenant. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à tous, nous sommes dans le studio de Campus FM et vous écoutez l'émission Agro J'écoute. Et dans cet épisode, nous allons traiter de la question de l'orientation de l'agriculture dans les pays du Sud. Je m'appelle Teddy Batt et je suis accompagné de Justin Bassegui. Bonjour à tous, bonjour Teddy. Nous sommes tous les deux en dernière année à l'école d'ingénieurs de Purpan, donc qui est une école spécialisée en agronomie et en agroalimentaire. Et dans cette émission, il nous a tenu à cœur de vous partager une expérience forte qui a marqué notre parcours à l'école, qui fut la mission de solidarité internationale, que nous avons d'ailleurs tous les deux réalisée l'année dernière. Peut-être que Teddy, tu peux commencer à présenter ta mission. Alors moi, je suis parti donc à Madagascar, je suis parti 4 mois, avec une association qui s'appelle les Amis du Refuge d'Aïna. Alors moi, mon objectif, je suis parti avec deux camarades de promotion, c'était de développer l'autonomie alimentaire dans un refuge qui accueillait une centaine d'enfants. Donc pour ceux qui connaissent, j'étais à une heure de Tamatave, sur la côte est, dans un petit village qui s'appelait Antété-Zambar. Et on a réalisé plein de projets agricoles tout aussi diversifiés. C'était une expérience extraordinaire, soit d'un point de vue social, professionnel, humain, vraiment quelque chose de génial. Je suis revenu avec vraiment plein de nouvelles idées, ma façon de voir les choses avait évolué, donc vraiment quelque chose de très constructif. Et toi, Justin ? Et moi, je suis parti en Bolivie, dans une petite communauté quechua dans les Andes, à 3200 mètres d'altitude. Une petite communauté qui s'appelle El Terrado et qui est située à Sucre, à une trentaine de kilomètres au sud de Sucre, plutôt. Je suis parti également dans un contexte associatif avec l'association d'Apapaya. Vous pouvez aller voir sur le site internet, il y aura des belles images qui vous seront proposées. Cette association, elle a le souhait de soutenir l'agriculture dans cette petite communauté. Et donc j'ai participé à ce projet en réalisant notamment des projets agricoles avec les habitants du village liés autour des questions d'irrigation et de plantation d'arbres fruitiers. Et comme t'es dit, et comme tous ceux qui font partie en mission de solidarité internationale, je pense, ça a vraiment été une expérience marquante qui est venue bouleverser nos prismes, que ce soit sur un plan humain, mais aussi sur le plan agricole, nous qui sommes issus d'une école d'agronomie. Et on est tous revenus avec beaucoup de questions en tête. Et on a eu la chance de pouvoir partager ces expériences entre nous à notre tour et de faire mélanger ces questions. Et on est tous plus ou moins revenus avec la question de comment évolue le secteur agricole dans les pays du Sud. Et on a la chance, pour répondre à cette question, de recevoir en fin d'émission M. Roger Blin, en direct du Togo, à Lomé. M. Roger Blin, qui est consultant au bureau ISALA, qui travaille sur des questions de sécurité alimentaire et de politique agricole en Afrique de l'Ouest, et qui pourra donc répondre à nos interrogations sur cet exemple qu'il connaît bien. Comme on vous le disait, à notre tour, on se posait beaucoup de questions et dans cette première partie, on va essayer de vous faire poser ces questions en vous racontant deux petites anecdotes qui ont marqué notre parcours à l'étranger. À toi, Teddy. Alors moi, comme je disais juste avant, donc, à Madagascar, on avait un objectif d'autosuffisance alimentaire dans ce petit refuge et donc il fallait qu'on mette en place des projets agricoles. Un des projets qu'on a pris en main, qui était déjà un peu implanté, c'est qu'on avait un potager qui faisait environ 700 mètres carrés. Mais on avait une problématique, c'est que le sol de ce potager, c'était vraiment du sable de plage. Vraiment, le sable, tu vas à la plage, il te tombe dans les mains tout fin. Bon. Pas très fertile. Exactement, pas très fertile. Donc nous, on s'est dit, bon, comment on pourrait rendre ce sol un peu plus fertile? Et on a pensé à mettre du paillage sur le sol. Pour faire simple, le paillage, c'est récupérer des résidus de culture qu'on va étaler sur le sol et ça a pas mal d'avantages agronomiques pour la fertilité. On s'est demandé comment on pourrait en trouver, et dans la région où on est, donc en Antété-Zambar, sur la côte est, il y a énormément de rizières. Donc on est allé demander un peu dans le village, est-ce qu'il y aurait un paysan ou un agriculteur qui aurait ces résidus de culture, de paillage, à nous donner. Ça les a fait beaucoup rire parce que c'est la première fois qu'on leur demandait ça, mais on a trouvé quelqu'un qui était OK pour nous en passer. Donc on nous a dit, venez demain à 8h, vous allez voir, c'est un peu loin dans la forêt, parce que j'ai oublié de préciser, mais j'étais avec deux autres camarades de promotion. Et donc on est parti pour cette petite expédition, c'était vraiment extraordinaire, on est parti dans les bois, on marchait dans des paysages vraiment grandioses. Et dans cette expédition, on a traversé des riziculteurs. Et là, nous, vraiment, c'était... Des cultures de riz. Oui, des cultures de riz, pardon. Et dans ce... Nous, ça nous a vraiment impressionnés parce que c'était une agriculture vraiment très vertueuse. Il y avait donc les gens qui travaillaient dedans, ils étaient dans l'eau jusqu'aux hanches. Travaillaient à la main, c'est ça, avec des fois quelques outils, mais très peu industrialisés, même pas du tout, pas de mécanisation. Vraiment quelque chose qui nous paraissait des plus vertueux. Et on arrive à la fin de ce petit périple, au fin fond de la forêt, dans une, il y avait le paysan qui avait une toute petite cabane en bois, et il avait les résidus de riz pour nous. Et à l'arrière de ce petit cabanon, là, on voit pas mal de produits phytosanitaires, mais des produits, j'ai oublié le nom, qui étaient interdits en France depuis quand même pas mal d'années. Et donc, nous, on se regarde... Le choc, on se dit, c'est pas du tout ici qu'on aurait imaginé voir ces produits-là. Et donc, on se renseigne, on demande un peu, on dit, c'est bizarre, ils mettent des produits, etc. Et on nous a expliqué, bon, je dis les mots comme un peu, ils nous ont été transmis, qu'il y a des gens qui étaient venus, qui leur avaient donné ces produits, qui leur avaient dit, mettez-les sur les cultures, vous allez voir, ça marche super bien. Et j'imagine qu'ils allaient revenir quelques temps après pour dire, alors, ça a bien marché, et leur en vendre derrière. Parce qu'ils leur ont donné, en début. Exactement, oui, ils leur ont donné. Et nous, là, ça nous a, on s'est dit, on était choqués, on s'est dit, ça nous a étonnés. Ouais. D'accord. Mais moi, quand tu racontes cette anecdote, ça me fait toujours penser à une question d'accessibilité des ressources. Moi, j'étais en Bolivie, donc dans un paysage très chaotique dans les Andes. Tout était à une heure de marche. Les maisons n'étaient pas forcément reliées au réseau électrique, ils n'avaient pas forcément accès à l'eau. Et pourtant, chaque famille possédait un téléphone portable. Et c'est vrai que ça fait réfléchir sur comment la haute technologie peut être plus accessible qu'une ressource comme l'eau. Mais bon, ça, c'est une petite aparté. Donc moi, mon anecdote, donc j'étais en Bolivie, elle va tourner autour de la Bolivie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bolivie, c'est vraiment une diversité culturelle qui est énorme. C'est un des seuls pays qui reconnaît 36 langues officielles, nationales officielles, ce qui est énorme. Et en fait, cette diversité culturelle, elle est due à une diversité de paysages énormes, et notamment de paysages hostiles, donc comme la cordillère des Andes ou la forêt tropicale dans le nord-est du pays. Et donc là où j'étais, c'était une multitude de petites communautés qui vivaient d'agriculture vivrière, donc qui cultivaient notamment beaucoup de maïs pendant la saison des pluies pour pouvoir effectuer une récolte et le conserver pendant toute la saison sèche où les sols étaient improductibles. Et l'excédent de stock de maïs, ils allaient le vendre en ville pour acheter ce qu'ils ne pouvaient pas produire chez eux. Ce mode de vie devient de plus en plus compliqué en Bolivie, déjà à cause du changement climatique qui rend la culture de plus en plus compliquée, et également à cause du développement de l'agriculture industrielle dans d'autres parties du pays. Et là, ça m'avait fait rire, j'avais regardé une vue satellitaire de Maps avant de partir, et on voyait vraiment que là où j'allais, vous pouvez le faire, sur le nord, sur le sud, le quart sud-ouest du pays, c'est vraiment de la montagne qui est visible de par les satellites, et on avait une petite plaine sur la droite de cette montagne, autour de la ville de Santa Cruz, où on voyait, en zoomant, tous les parcellaires de champs quadrillés qui se succédaient, avec même des pivots d'irrigation et tout le matériel qu'on imagine quand on pense à une agriculture très industrialisée. Et en fait, cette agriculture, elle fait un peu baisser les prix, notamment du maïs dans les villes, ce qui diminue le revenu des agriculteurs dans les petites communautés. Et donc, c'est devenu très difficile de vivre à la campagne. Il y a une forte exode rurale en ce moment en Bolivie, et donc qui tend à faire oublier les cultures locales. Et donc, face à ça, il y a beaucoup de fondations boliviennes qui participent au développement des collectivités, des communautés territoriales, et également des associations qui viennent de l'extérieur, comme à Papaya. On a aussi également des actions du gouvernement. Et donc là, je pense surtout à le gouvernement qu'on était venu avait donné à chaque famille un réservoir de 5 mètres cubes d'eau en polyéther pour récupérer l'eau de pluie pendant la saison des pluies et pouvoir permettre aux habitants de vivre de manière plus confortable pendant la saison sèche pour faire la lessive, pour faire la cuisine et même pour boire. Quand on est rentré, Quand on est rentré, je pense que tous les deux, on s'est posé, tous les deux, et même toute la promotion qui est partie dans ce type de mission, on s'est posé pas mal de questions. Et ces questions, elles s'orientaient pas mal autour des acteurs qui allaient venir influencer les politiques agricoles et même l'agriculture dans les pays du Sud. Et ça, ça fait quand même pas mal référence aussi à nos apprentissages. On est tous les deux issus donc d'études agricoles. Et nous, on se base quand même fortement sur comment l'agriculture a été orientée en France et en Europe. Et je pense que c'est d'ailleurs bien qu'on fasse un petit point commun pour avoir tous les mêmes bases sur comment ça a évolué en France et en Europe. Après-guerre, place aux politiques productivistes. Dans la course au rendement, l'agriculture se modernise, s'intensifie et s'industrialise. Et l'État comptait sur ses paysans. Nous devons faire de notre agriculture un élément moderne et équilibré de l'activité nationale. Voilà, vous venez d'entendre un petit extrait d'une vidéo INA qui s'appelle « L'évolution du monde agricole en France » avec, vous l'aurez peut-être reconnu, un discours du général de Gaulle. Pourquoi on vous a passé cet extrait ? Parce que si aujourd'hui on veut s'intéresser à l'orientation de l'agriculture en France et en Europe, il faut remonter à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, les territoires et les peuples sont marqués par la guerre, la population a faim et l'heure est à la reconstruction. Donc beaucoup de main-d'œuvre part du monde agricole pour aller dans les industries de la reconstruction. À côté de ça, on a également le phénomène du baby boom. Donc vous le connaissez tous, une augmentation importante de la population. Et donc l'agriculture se trouve face à un défi majeur. Nourrir une population européenne toujours plus grande avec de moins en moins d'agriculteurs. Donc à ce moment-là, il y a vraiment une nécessité pour l'Europe de moderniser, comme l'a dit le général de Gaulle, son agriculture pour augmenter la production. Donc ça va passer en fait par une structuration forte du monde agricole avec la naissance des acteurs privés comme l'agro-industrie qui va fournir les semences, les engrais, des acteurs comme les banques, les assurances et les syndicats agricoles. Et on va aussi également avoir une politique agricole européenne très forte qui s'appelle la PAC, la politique agricole commune, créée en 1962. Et l'objectif de l'Europe à ce moment-là, c'est d'investir énormément dans le soutien à l'agriculture pour permettre cette modernisation et aller atteindre une sécurité alimentaire du point de vue agricole. Aujourd'hui, la PAC existe toujours et possède toujours une place importante dans l'orientation de l'agriculture et elle ne cesse de s'adapter au contexte. Dans les années 2000, la PAC s'est beaucoup attaquée au problème du côté sanitaire de l'alimentation, notamment à la suite de la crise de la vache folle. Et aujourd'hui, on est vraiment dans des questions d'agroécologie, comment produire de manière plus respectueuse de l'environnement. Et en parallèle, de nouveaux acteurs interviennent, comme des syndicats d'orientation différentes. Et je pense aussi notamment aux associations écologiques qui essayent de pousser l'orientation de l'agriculture vers quelque chose de plus durable. Donc maintenant qu'on a fait ce point qu'on connaît bien avec Teddy sur la France et l'Europe, on va essayer de faire le parallèle avec le cas de l'Afrique de l'Ouest. Et on va en profiter pour introduire l'intervention de M. Blin, qu'on va maintenant accueillir. M. Blin qui nous écoute depuis le début de cette émission. Bonjour. Bonjour. Peut-être Bonjour que vous à tous. Pouvez commencer par vous présenter brièvement. Qu'est-ce que vous faites actuellement à Lomé et vos missions Comme vous l'avez indiqué en début d'émission, donc je suis, entre guillemets, expert en agriculture et sécurité alimentaire, surtout. Actuellement, je travaille pour le compte de la CDAO, donc de l'équivalent de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui compte 15 pays. Et je travaille sur un problème très spécifique qui est le stockage de sécurité alimentaire pour pouvoir affronter, en cas de choc, en cas de crise, ces chocs, en apportant des vivres aux populations qui n'y ont plus accès. Donc ça s'appelle la Réserve régionale de sécurité alimentaire, qui est une première mondiale et qui se développe depuis 8 ans dans la région. Donc, comme vous l'avez dit, vous travaillez pour la CEDEAO. La CEDEAO, brièvement, donc, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui regroupe une quinzaine d'États d'Afrique, comme le Sénégal, le Nigeria ou le Ghana, avec des objectifs politiques de regrouper ces pays dans un objectif commun pour avancer plus facilement. Cette politique, elle répond à un contexte agricole qu'on va brièvement mettre en place. Il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, l'agriculture, elle est majoritairement familiale, mais elle tend énormément à s'industrialiser, notamment parce qu'il faut savoir qu'on a la population qui double tous les 25 ans, et en même temps, on a une urbanisation forte qui transforme le marché. Et cette population qui double, elle va être mise en parallèle avec... on a une augmentation de la production agricole qui ne suit pas, en fait, cette augmentation de la population. Et ça va engendrer quelques phénomènes, comme notamment une malnutrition qui est assez généralisée et qui est nommée de sérieux à alarmant sur les territoires africains, d'après l'OMS. Un autre phénomène aussi qui peut venir se rajouter, c'est qu'on va avoir ce que j'appelle une économie d'importation avec une très très forte dépendance aux imports de céréales notamment. Et tout ça, ça rentre dans un contexte où le territoire africain est très prisé, parce qu'il n'est pas encore très productiviste, mais il tend à l'être. On a beaucoup de surface, et donc on a des intérêts commerciaux énormes qui vont se rajouter sur ce territoire. Il y a un potentiel agricole très fort de l'Afrique. Est-ce que M. Blin, cette image qu'on a très rapide du contexte agricole qu'on a dépeint de l'Afrique de l'Ouest vous convient? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, quelques précisions? Bon, il me convient, je crois que, mais vous l'avez évoqué aussi dans vos introductions respectives, on est face à une très grande diversité de situations. Il faut savoir qu'au niveau agro-météorologique, par exemple, la région part d'une pluviométrie de 200 mm au nord, nord du Sénégal, Mauritanie, etc., jusqu'à plus de 3000 mm de précipitations par an, dans les zones des pays du Golfe de Guinée, notamment en Guinée, qui est qu'on appelle le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, qui alimente la plupart des réseaux fluviaux de la région. Le deuxième point que je voudrais évoquer et qui nous amène sur les spécificités un peu de cette politique agricole, c'est que le découpage des pays est un héritage, comme vous le savez, du partage colonial entre les grandes puissances coloniales qui occupaient une partie de cette région, donc les Portugais, les Français évidemment, les Anglais et les Allemands à une certaine époque. Et ce partage a été fait sur une carte à Berlin à la fin des années 1800. Et en fait, ils découpent les pays sans tenir vraiment compte des communautés ethniques et ni des capacités productives ou des écosystèmes, on va dire. Et une grande partie, en fait, de la politique agricole vise précisément à traiter des questions, des interactions ou des interdépendances entre ces pays, compte tenu du fait que, si je prends le cas de l'élevage, par exemple, on est face à un élevage qui est massivement l'objet des zones agropastorales, donc plutôt au nord du pays, dans les zones arides. Et cet élevage pastoral, bovin, ovin, camelin, est amené en fait à se déplacer en fonction de l'évolution de la disponibilité des ressources, les fourrages, le pâturage et puis l'eau. Au cours de la saison. Donc, ces animaux qui sont au nord pendant la saison des pluies descendent en saison sèche vers le sud de la région et notamment vers les pays côtiers. Donc, on a beaucoup de transhumance, qu'on appelle nous dans notre jargon transhumance transfrontalière. Et donc, les pays sont, ça génère beaucoup de conflits, beaucoup de complémentarité aussi entre les systèmes agricoles du sud et puis les systèmes agro-pastoraux du nord de la région. Donc c'est à la fois une valorisation de ces complémentarités, mais en même temps, avec la croissance de la population, avec la croissance du cheptel, avec l'extension des surfaces cultivées, on a de plus en plus de conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc la politique, en fait, elle est en grande partie ciblée sur la gestion de ces relations entre les systèmes de production des différents pays. La deuxième spécificité par rapport à la PAC, c'est que ce n'est pas une politique unique, commune, C'est une politique qui s'ajoute aux 15 pays, aux politiques des 15 pays. Donc chaque pays a ses propres orientations et la politique régionale n'est pas une politique qui intègre et dirige, oriente l'ensemble de ces 15 politiques. Elle a un rôle d'incitation, traiter des questions communes, mutualiser des ressources comme la recherche, la formation, etc. Et puis, un point très important qui me permettra de rebondir sur ce que vous avez dit, elle gère aussi tout ce qui est le rapport avec le reste du monde, et notamment, c'est une zone de libre-échange avec un tarif, donc des droits de douane communs aux frontières extérieures. Et c'est un point très important de l'orientation des politiques aujourd'hui, dans la mesure où, comme vous l'avez évoqué, on a un phénomène d'urbanisation qui n'est pas nouveau. Les villes sont concentrées sur les zones portuaires côtières des pays du Sud, de tous les pays. Hein, si vous regardez une carte, vous verrez que toutes les capitales sont sur la bande côtière. Et globalement, depuis 50 ans, on a ce qu'on appelle le biais urbain des politiques agricoles, c'est-à-dire que les gouvernements ont eu tendance à beaucoup libéraliser les importations, faciliter les importations pour nourrir les villes au prix de plus bas, de façon à éviter les soulèvements populaires et les famines en ville. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une des régions au monde qui est la plus libéralisée, alors même que les conditions de production mériteraient sans doute une protection plus soutenue pour donner une chance à ces agricultures familiales, comme vous l'avez bien dit. D'accord. Merci voilà beaucoup. Donc, pour rappel, Roger Blain est consultant au bureau ISALA et il travaille sur des questions de sécurité alimentaire et de politique agricole en Afrique de l'Ouest, notamment la CEDEAO. Peut-être qu'on va reprendre un peu la parole avec Teddy pour présenter les différents acteurs qu'on a de l'orientation agricole qu'on a identifié de par nos recherches et de par nos expériences avant de vous redonner la main. Donc, le premier acteur qui nous a marqué, et notamment de par notre parcours, c'est l'acteur public, dont vous avez pas mal parlé. Donc, il faut savoir que la CEDEAO possède une politique agricole régionale, comme l'a dit M. Blain, qui s'appelle l'ECOWAP et qui a été créée en 2005 et dont l'objectif principal était d'améliorer la sécurité alimentaire de la région et de réduire la dépendance aux importations, également de coordonner un peu, comme vous l'avez dit, les différentes agricultures régionales de chaque pays. Un autre acteur qu'on a pu identifier, notamment dans les anecdotes précédentes, c'est donc l'acteur des privés, avec notamment les agro-industries, qui vont avoir un intérêt commercial à venir répondre à une demande et vendre des produits agricoles, que ce soit des produits phytosanitaires ou des semences. Et un autre qu'on a fait tous les deux parties, ça va être les associations qui vont venir un peu faire la balance entre tous ces acteurs, qui vont venir soutenir un modèle d'agriculture ou aider justement au développement de l'agriculture. Voilà, donc si on résume un peu ces trois acteurs, on a l'impression que la politique publique cherche vraiment à assurer une sécurité alimentaire au niveau régional. Le privé propose une piste de solution de par ses produits, de par son acte commercial. Et l'associatif chercherait plutôt à contrôler un peu ce développement pour garder en tête le côté durable et faire attention aussi à tous les... toutes les pratiques qui, on a vu en Europe, ont des conséquences assez néfastes sur la santé et l'environnement. On a aussi un dernier acteur qui sont les pays externes. Donc là, je pense notamment à la Chine qui, on le sait, cherche des territoires en Afrique pour des territoires agricoles pour sécuriser leur sécurité alimentaire au niveau de leur pays. Donc on a le public, le privé, les acteurs associatifs, les pays externes. Est-ce que, M. Blain, vous voyez ces acteurs dans votre quotidien? Est-ce qu'ils existent vraiment? Est-ce qu'il en manque? Et dans une deuxième partie, quels sont les poids et les influences de ces acteurs dans l'orientation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest? Merci, oui. J'ajouterais un peu en complément, un peu en substitution. Je pense que de plus en plus, le premier acteur, c'est le consommateur. Donc on est aujourd'hui à une population globale de 340 millions de personnes. On a la moitié de cette population, donc 100, 170 millions qui vit en ville et qui a donc des habitudes alimentaires ou des pratiques alimentaires qui sont assez différentes de celles des milieux ruraux. Le deuxième acteur, c'est les producteurs agricoles. On estime que de l'ordre de 60% de la population donc, travaille dans l'agriculture et les filières agroalimentaires. Donc, c'est un poids très important. Hein. C'est plus de 30% du PIB de cette région. Donc, si on compare par rapport à l'Europe, c'est colossal ou par rapport à beaucoup de régions au monde. Et effectivement, la particularité, vous l'avez évoqué, c'est que c'est une région qui est déficitaire et qui doit importer. Donc, c'est un paradoxe. C'est le premier paradoxe qu'on cherche à résoudre. Je dirais aussi que tout le secteur entre les producteurs et les consommateurs est habité par de très très nombreux acteurs de la transformation, notamment les femmes qui sont très impliquées dans la transformation des produits agricoles et dans leur distribution. Voilà, ça c'est des grands groupes d'acteurs. Ce que je peux dire en plus, c'est que les organisations de producteurs agricoles ou d'éleveurs se sont beaucoup structurés depuis une vingtaine d'années, 20-30 ans, et qu'elles sont aujourd'hui des interlocuteurs à la fois crédibles, respectés, importants, de la négociation, des politiques et des projets. Et en disant, voilà, un dernier acteur important, c'est l'aide au développement. Et ça m'amène un petit peu sur une des grandes différences, justement, entre les COAP et la PAC. La PAC dispose d'un budget très important, hein, je crois que ça reste encore le premier budget européen. Et ce budget est prévisible, il est arrêté pour une période de 5 ans, me semble-t-il, et c'est le principal financeur de l'agriculture. Donc la PAC a un rôle d'orientation et un rôle aussi d'incitation financière, tant au niveau des structures d'exploitation qu'au niveau des revenus, des orientations environnementales, des normes, etc. À l'inverse, les COAP a un financement qui est très très faible et qui repose pour l'essentiel sur le financement de l'aide au développement. Donc, si on prend le cas de la France, c'est l'Agence française de développement. Dans le cas de l'Europe, c'est l'Union européenne, etc. Et donc, on a une mise en œuvre de cette politique qui repose essentiellement sur des projets. Et la spécificité des projets, c'est qu'ils sont de courte durée, 3 à 5 ans, qu'ils traitent en général que d'une question un peu spécifique. Par exemple, moi, je travaille dans le cadre d'un projet qui est ciblé sur les questions de stockage strictement. Certains travaillent sur les semences, d'autres sur la promotion des engrais, d'autres sur la promotion des applications numériques en milieu agricole, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce qui a fait la magie de la PAC, c'est le fait d'avoir pu traiter simultanément l'ensemble des enjeux qui se posaient au secteur agricole et alimentaire. Autrement dit, l'accès au financement, l'accès aux services financiers, aux banques agricoles pour les producteurs, l'accès aux technologies, donc les semences améliorées, etc., etc., la mécanisation, la question du marché, avec l'organisation des marchés internes, les offices par produit. L'office du blé, par exemple, date des années 30, hein, de la période du Front populaire. Et puis, la protection aux frontières, qui a été très forte pendant longtemps. Donc, c'est cet ensemble, tout cet environnement et tous ces leviers qui ont été un peu activés au même moment. Et j'ai oublié la formation, la restructuration des exploitations, etc. C'est tous ces leviers qui, mis en œuvre simultanément, ont permis de produire des résultats assez exceptionnel en termes d'augmentation de la productivité, de restructuration des exploitations, etc. etc. Vous parlez de... On n'a pas du tout ce qui où la plupart des producteurs, on estime qu'il y a moins de 10% des producteurs qui ont en face d'eux des services financiers adaptés à leurs besoins, tant en termes d'investissement qu'en termes de financement des campagnes agricoles, par exemple. Vous parlez de l'accès aux technologies. Excusez-moi, l'accès aux technologies est toujours très compliqué. Il nous reste très peu de temps et il y a un sujet qui nous tenait à cœur. Vous parlez de restructuration et de levier pour changer les politiques, enfin pour changer les dynamiques communes. Et là, pour finir sur un temps très court, puisqu'on arrive à la fin de notre podcast, nous on se demandait justement la place de l'agroécologie dans le développement de la culture de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est quand même un sujet fort qui est très d'actualité en Europe. Et donc on se demandait comment elle allait s'insérer dans cette dynamique africaine. Voilà. Voilà, il nous reste pour information 2 minutes environ. Ok, bon, sur cette question, elle traduit un petit peu les contradictions de la région. À la fois, la région est assez preneuse d'un modèle de développement traditionnel, c'est-à-dire l'agriculture conventionnelle avec les ingrédients de la révolution verte, hein, c'est-à-dire les engrais, les semences améliorées, plus la mécanisation. Et ça, c'est la plupart des dirigeants ont cette vision-là. Là-dessus est venu se plaquer tous les effets du changement climatique qui sont absolument colossaux dans la région. Hein, c'est une des régions les plus affectées par le changement climatique, à la fois avec des sécheresses cette année, des inondations considérables, l'érosion des zones côtières, etc. etc. Et donc, depuis quelques années, il y a une prise de conscience qu'il faut aller vers des systèmes agricoles qui ont deux caractéristiques. Un, qui préserve le maximum d'emplois, parce qu'il y a énormément de jeunes, des dizaines de millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, donc il faut réussir à les employer. Donc, développer l'emploi et développer des systèmes agricoles qui soient à la fois performants en termes de productivité et qui soient adaptés au changement climatique et à la protection des ressources naturelles d'une façon générale. Et donc, l'agroécologie cohabite actuellement avec cette vision un peu beaucoup plus productiviste de l'agriculture. Super. Et au niveau des États comme de la région, en fait, les deux visions sont développées concomitamment avec, globalement, chez les leaders politiques, un doute sur le fait que l'agroécologie, qui perçoit beaucoup comme l'agriculture traditionnelle, alors que c'est autre chose, que l'agroécologie puisse nourrir la population. Donc, il y a globalement de gros efforts qui sont faits pour aller vers une agroécologie qui intègre vraiment l'ensemble des écosystèmes et qui permettent de s'appuyer à la fois sur l'agriculture, l'élevage et la foresterie au sein des exploitations familiales. Et ce sera le mot de la fin. On a fini notre émission. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cette émission vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura fait réfléchir sur les questions d'orientation du monde agricole dans les différentes parties du monde. J'espère qu'on aura aussi pu vous faire un peu voyager. On tenait tout d'abord à remercier M. Blin pour sa participation très enrichissante, à remercier chaleureusement le studio de Campus FM pour leur accueil d'une bienveillance rare, et l'école de Purpan pour nous donner l'opportunité de réaliser cette émission, et enfin nos professeurs, donc Simon Giuliano, Madame Bouvard et Madame Sophie Yves. Merci à tous pour votre écoute.